la formule définitive. Fort du fait que la formule, que j'ai apprise oralement, avait guéri Jean Mariani ainsi que beaucoup d'autres personnes, pendant une période d'au moins 5 ans, je me sentais bien décidé à ne pas la quitter. Je n'aurais jamais pu penser la substituer, par exemple, à la formule de Sœur Maria Zatta, même si je considère cette religieuse du cœur immaculé de Marie, comme une personne experte dans ce métier, ayant une grande expérience, comme un vrai ordinateur ambulant en ce qui concerne les recettes. Voilà pourquoi je n'ai jamais réussi à me servir de la formule contenue dans la polycopie de Madame Gladys Lavarda. Autrement dit, j'avais une expérience personnelle, qui avait donné des résultats positifs en plusieurs cas. Quelles données avais-je pour changer de formule ou bien en employer une autre? Jusqu'à une épreuve contraire, la formule dont je me servais normalement, donnait des résultats satisfaisants. Si j'en avais choisi une autre, sur quelles données me serais-je appuyé pour compter sur son efficacité ou bien la nier? Aurais-je cédé aux nouveautés? Je n'avais d'autre expérience que celle que j'avais mûrie moi-même et que je transmettais oralement. Je vous avoue, toutefois, que j'ai fini par changer la formule primitive. Et je l'ai fait pour des raisons pratiques. Fondamentalement, tout peut être résumé dans un seul point, c'est-à-dire, le mélange, préparé selon la formule suivie jusqu'alors, était trop doux et il causait une certaine répugnance, surtout dans des personnes ayant des problèmes de foie. Comment aborder ce problème et le résoudre? Je me suis préoccupé, avant tout, de comparer les différentes formules entre elles. J'en ai observé les variantes. Chacune présentait d'importantes différences, quelques-unes très significatives. Je n'aurais choisi l'une plutôt que l'autre, sans une juste raison. J'ai préféré suivre l'expérience qui est une école de vie. Elle, et elle seulement, aurait pu m'enseigner, avec sûreté et objectivité, quelle devait être la formule idéale. Et en parlant de vie, mon indécision à propos du changement de la formule, se fondait essentiellement sur un renseignement erroné, c'est-à-dire que l'aloès pouvait être une plante toxique. Il est clair que, si cela avait été vrai, une dose excessive aurait pu être fatale. Or la vie est, en réalité, le don le plus grand, donc le plus important. Objectivement, on ne peut pas la prendre à la légère, en plaisantant ou en la mettant en danger, sans motif fondé. Et encore moins, traiter les personnes en cobayes. L'emploi de la recette dans la vie quotidienne m'a donné du courage. J'ai réussi à renoncer à la vieille formule, à laquelle je m'étais accroché jusqu'à ce moment, parce qu'elle avait toujours donné des résultats positifs. Je peux affirmer que le changement s'est vérifié par hasard. Le premier événement qui m'a poussé à cette décision, a été la guérison du secrétaire de l'école de Terre Sainte de Bethléem, Israël, qui avait été frappé par un cancer à la gorge. J'avais su qu'il avait perdu la voix depuis quelques mois, et qu'il ne s'exprimait que par gestes. Lorsque Père Raphaël Caputo, OFM, m'a informé sur les vraies conditions de santé du secrétaire, je me suis offert pour l'aider à récupérer sa santé, afin qu'il puisse de nouveau assumer ses fonctions dans le domaine scolaire. J'ai préparé le mélange d'après ma formule traditionnelle, c'est-à-dire deux feuilles d'aloès, un demi-kilo de miel et l'eau de vie. Le premier pot terminé, après en avoir pris le contenu pour une durée de 15 jours, le malade a été soumis à des examens médicaux avant de commencer le deuxième pot. Les analyses ont démontré que le mélange avait bloqué le développement du mal ou plutôt, les examens faits avant de prendre l'aloès, et ceux qu'on avait faits après la cure de 15 jours, présentaient pratiquement les mêmes valeurs. Ravi pour le résultat positif, le mal, du moins, ne s'était pas répandu, sa fille Mérie, femme d'un médecin, et prise sans doute de l'anxiété de libérer son père du mal, a préparé le pot suivant, en employant trois feuilles d'aloès, en les passant au mixeur avec un demi-kilo de miel et l'eau de vie. Après avoir respecté la pause d'une semaine, elle a donné à son père la troisième dose. Résultat, le malade, après presque deux mois de cure, émettait des sons, ce qui signifiait qu'il avait vaincu la maladie. Pour finir l'histoire de ce cas, à juste titre d'information, le lecteur doit savoir que le secrétaire a repris son travail dans l'école. À ce moment où je suis en train d'écrire ces quelques mots, déjà 4 ans se sont écoulés depuis son retour au travail. Et d'après le témoignage de Sœur Véronique Mancadori, Cagliari, institutrice dans cette école, connaissant le patient depuis plus de 15 ans, sa voix semble très bonne. Un deuxième épisode, qui m'a poussé à changer la vieille formule, si chère et fondée sur mon expérience, a été l'intervention de Chukri, le chauffeur des Sœurs d'Eda, les franciscaines du cœur immaculé de Marie. Ayant eu connaissance de personnes guéries de la tumeur grâce à la potion que j'avais prescrite, il a pris courage, a vaincu sa timidité innée en me demandant de lui en préparer une dose pour son beau-frère, atteint d'un cancer à la gorge, présentant déjà une énorme blessure ouverte sur le cou. Je lui ai naturellement donné la potion, car je souhaitais qu'il réussisse à sauver la vie de son beau-frère. Heureux pour l'effet du premier traitement, en effet, la blessure extérieure s'était cicatrisée, Chukri a voulu en prendre un deuxième pot. De sa propre initiative, cette fois il a préparé la potion tout seul. Il a passé au mixeur 4 feuilles d'aloès, toujours avec la même quantité de miel et d'eau de vie. Comme j'étais curieux de savoir comment, il avait préparé cette deuxième potion, il m'a dit avoir mis 4 feuilles d'aloès. Moi, j'ai répliqué, mais je t'avais dit de mettre deux feuilles. Je le sais. Pourquoi as-tu alors doublé la quantité? Et puis, si le malade meurt, qu'est-ce qu'on fait? Mais oui, mon père, soyez tranquille. Lui, il a récupéré sa voix, il parle comme avant. Quant aux feuilles, comme elles étaient petites et bien sèches, j'en ai mis quatre dans le mixeur. Pour équilibrer le tout, j'ai peut-être un peu exagéré avec l'arak, l'eau de vie arabe. Bon, lui dis-je, résigné, si le malade est guéri, il est évident que la plante n'est pas toxique, du moins, elle ne l'est pas dans la quantité que tu as employée. Certes, il faut reconnaître que tu as exagéré en eau de vie et en doublant les feuilles. Vous pensez, et c'est à partir de ces faits et de l'étude des variants d'autres recettes dont j'ai pris connaissance, que j'ai pris la décision de changer la formule apprise oralement. Pendant mes voyages, en connaissant d'autres peuples et d'autres cultures, j'ai commencé à douter que l'aloès fût toxique, ainsi que, par contre, comme chacun sait, l'estelalveco, une autre plante employée, elle aussi, dans la lutte contre le cancer. J'ai su que les Mexicains s'en servent en salade. Au Venezuela, on avale le gel de la feuille de l'aloès au petit déjeuner, et on ajoute quelques gouttes de miel pour en enlever un peu l'amère. Dans cet état de choses, il semble que la soi-disant toxicité de l'aloès ne soit pas tellement considérable. En tout cas, les conseils de l'ancienne sagesse continuent à être les meilleurs, c'est la dose, la quantité administrée qui marque la limite entre un remède et le poison. La juste mesure reste toujours le choix le plus prudent, quant à cela, le lecteur peut être tranquille. Nous reviendrons sur cet argument d'une façon exhaustive, en démontrant que l'aloès n'est pas toxique, comme on dit assez souvent, dans la façon la plus absolue. Si cela peut être utile, lis-le dans le chapitre particulier à cet argument. Après 10 ans d'expérience au Brésil, au Moyen-Orient et même en Europe, surtout en Italie, en Suisse, au Portugal, j'ose prescrire ici de suite, sans peur de me tromper. 1. Un demi-kilo de miel, attention au miel artificiel, épuré, et à toutes les contrefaçons, en général. 2. De 40 à 50 ml d'eau de vie, whisky, cognac, etc. 3. Il ne faut pas employer de l'alcool pur, ni vin, bière, liqueur, nota bene. 40, 50 ml de liquide, correspondent à une dose de whisky ou bien à une petite tasse à café 4, 350 g de feuilles d'aloès arborescent. 5. 2, 3 ou 4 feuilles, selon leur longueur. Celui qui prépare la potion chez lui, ne doit pas être trop méticuleux. Les trois éléments doivent être le plus possible conformes aux quantités susmentionnées. Exagérer un peu ou oublier quelques particuliers, ne mettra certainement pas à risque, l'efficacité de la potion. Voilà pourquoi nous devons éviter de faire recours à des quantités trop exactes, en se servant de la balance. Apprenons plutôt à préparer librement la potion, comme s'il s'agissait de préparer un petit coin du verger pour semer des fleurs ou des légumes, servons-nous de notre œil, de notre bon sens et évitons les exagérations. L'essentiel est que ces éléments, se trouvent dans la composition de la potion. C'est le mélange des éléments, qui donnera les effets désirés. Enlever la poussière ou toute autre impureté, que la nature ait éventuellement laissée sur les feuilles d'aloès. Se servir, en ce cas, d'un vieux chiffon, sécou humide, ou bien d'une éponge, en évitant toutefois de baigner les feuilles, étant donné que, dans ce mélange, il n'y a pas d'eau. Avec un couteau tranchant, enlever les épines le long du bord des feuilles, d'une main légère et d'un seul coup, d'en haut en bas. Pour faciliter le travail du mixeur, couper les feuilles en morceaux, ainsi que l'on prépare n'importe quel milkshake. Mixer ensemble les trois ingrédients. Mixer et broyer le tout très bien, plus ou moins dans une minute, ça dépend de la puissance de l'appareil, on obtient une espèce de crème verte. C'est comme ça. C'est fait. Voilà préparer la potion qui peut guérir du cancer. Nous avons vu qu'il n'existe pas d'unanimité parmi les auteurs, en ce qui concerne la quantité exacte des ingrédients composant le produit. Comme je crois que chaque personne a mûri sa propre expérience d'après les conseils qu'elle offre, je voudrais conseiller au lecteur de choisir la meilleure des variantes de la recette, c'est-à-dire celle qu'elle préfère, plus douce ou moins douce, puisque, quant à la guérison qui est le seul et unique but à atteindre, toutes en promettent la réalisation. Il est essentiel, pourtant, de préparer la potion en employant les ingrédients cités, se conformant aux quantités prescrites d'une façon approximative. Voilà pourquoi, mon cher lecteur, chaque fois qu'il y aura quelqu'un avec le problème du cancer, si tu veux préparer le mélange avec une feuille d'aloès dans un demi-kilo de miel et de l'eau de vie, ou plutôt avec deux feuilles ou trois ou même quatre ou plus, tu peux librement choisir, l'important est que tu emploies la recette, plus vel minus non mute speciem. Alors, si tu mets en pratique ces conseils, tu peux donner au malade la possibilité de guérir. Toi aussi, tu as un rôle dans cette lutte. C'est toi qui dois décider. Attention, pendant les jours où je tapais à la machine cépage, il m'est arrivé dans les mains, le petit livre Saut de Basica Remedio Casero, de Sœur Flavia Birk, texte employé à l'action sociale du diocèse de Santa Cruz do Sul. RS, Brésil. Quant à la recette de l'aloès pour soigner le cancer, il se trouve ici une variante que j'ai considérée intéressante à enregistrer. À la page 9 on parle de xarope, il ne s'agit pas de sirop, de babosa, de feuilles grandes d'aloès, 1 demi-kilogramme de miel, 2 cuillerées d'eau de vie. Préparation, enlever les épines de l'aloès et couper en morceaux. Ajouter le miel et passer au mixeur jusqu'à obtenir une crème, y mettre enfin l'eau de vie. Conserver au réfrigérateur. Dose, en prendre une cuillerée à jeûne, avant le déjeuner et avant le dîner, prévention contre le cancer. Guérison du cancer, prendre la potion pendant 10 jours. Faire une pause de 10 jours. Répéter l'opération. À la page 19, au 19e paragraphe on dit, cancer, pour l'éviter faire bon usage d'une alimentation naturelle. Recette, passer au mixeur feuille, 1 demi-kilogramme, d'aloès, coupé en morceaux et sans épines. Ajouter 1 demi-kilo de miel et 2 cuillerées d'eau de vie. Passer au mixeur jusqu'à obtenir une crème, conserver dans un pot obscur, dans le réfrigérateur. Dose, une cuillerée le matin et le soir pour 10 jours, faire une pause et répéter encore pour 10 jours. Il ne faut pas gaspiller ni détruire la nature. Si tu as coupé un tronc pour utiliser les feuilles de l'aloès, plante-la, et tu auras encore une autre plante d'aloès, un vrai trésor, à la portée de tes mains.